peu importe ce que vous avez, peu importe qui vous êtes, si vous n'avez pas d'amis, il manque quelque chose d'essentiel à votre vie. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Le péché envahit nos vies et les marque profondément et de façon négative. Il entrave notre communication avec Dieu et empêche ainsi notre communion avec lui. Il déteint sur nos attitudes et il peut même provoquer la mésentente avec nos proches. Toutefois, puisque le pardon de Dieu accompagne notre salut, notre conflit avec lui est terminé. Cependant, trop souvent, la friction avec les autres persiste. Les blessures et les sentiments de rejet et d'amertume dressent des obstacles inutiles à notre démarche chrétienne. Comment pouvons-nous agir de la sorte l'un envers l'autre comme des ennemis alors que nous sommes croyants? Charles Stanley traite de cette question pour que nous puissions bâtir de sages relations même lorsque nous vivons des amitiés difficiles. Quand vous pensez aux atouts que vous possédez, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Beaucoup de gens vont d'abord penser à leur argent et à leurs possessions. Or, exception faite de votre relation avec Dieu, vos amis constituent l'atout le plus précieux de votre vie. Le sujet du message d'aujourd'hui concerne les problèmes rencontrés dans notre recherche des relations d'amitié. J'aimerais vous parler des amitiés difficiles. Ouvrons maintenant notre Bible pour étudier seulement un verset. Nous pourrions en lire beaucoup d'autres, mais nous allons commencer par celui que nous pouvons trouver dans le livre des Proverbes, au 16e chapitre, verset 28. « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Il nous arrive souvent de développer des amitiés qui ne durent pas. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi, mais cela arrive quand même, et il existe des raisons très, très précises pour expliquer pourquoi les choses se déroulent ainsi. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet est la suivante. Nous essaierons de voir ce qui peut être fait pour recouvrer ces amitiés, mais avant cela, nous devons éviter de commettre les mêmes erreurs. Les Écritures nous proposent une courte liste, et à partir d'elle, j'ai rédigé une courte liste du genre d'amis à éviter, ou plutôt du genre de personnes qui ne devraient pas compter parmi vos amis proches et intimes. On pourrait me dire que nous devons faire preuve d'ouverture lorsque nous désirons gagner une âme à Christ, certes. Cependant, il existe une différence entre développer une amitié avec quelqu'un pour l'amener à Christ et développer une relation proche et intime. Bien sûr, nous pouvons conduire quelqu'un à Christ. Vous devez parfois vous rapprocher de lui. Or, écoutez bien ceci. Si vous n'êtes pas prudent, plutôt que de les attirer vers le haut, vous pourriez vous-même être attiré vers le bas. Pour éviter cela, vous devez décider certaines choses immédiatement dans le cas d'une amitié avec une personne qui n'est pas sauvée. Vous devez rigoureusement évaluer la clarté et la définition de vos convictions. Ensuite, vous devez déterminer jusqu'où vous êtes disposé à aller pour aider cette personne à mettre sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Vous devez décider ces choses maintenant, car sans cela, cette personne pourrait vous influencer. Examinons donc ce que Dieu dit sur le sujet. Certains d'entre vous pourraient perdre des amis aujourd'hui à cause de la volonté de Dieu, telle qu'exprimée dans sa parole et qui conseille d'éviter certaines personnes. Voici donc quelques descriptions types de personnes qui pourraient provoquer des problèmes si nous les choisissons comme amis. Nous pouvons demeurer dans le livre des Proverbes, dans le 20e chapitre. Remarquez particulièrement le verset 19. Premièrement, ne vous associez jamais avec un calomniateur. Lisons le verset 19. Celui ou celle qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Les Écritures nous avertissent de ne pas nous associer avec une personne qui répand des rumeurs. Si vous y pensez, ce genre de personne ne se contentera pas de vous parler de quelqu'un d'autre. Elle va également parler de vous à d'autres personnes. Elle vous calomniera et vous critiquera quand vous ne serez pas là. Notez bien ceci. Si les choses ne se déroulent pas comme elle l'entend, ce genre de personne parlera aux autres de vous. Un calomniateur ne fait pas que calomnier. il rapportera également aux autres tout ce qu'il entend de vous. Et si cette personne est également jalouse, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner quelqu'un de votre vie et l'empêcher d'être votre ami. C'est pourquoi l'Écriture nous engage à nous éloigner de ce genre de personnes. Deuxièmement, ne vous associez jamais avec une personne colérique. Tournez avec moi, si vous le voulez, dans le 22e chapitre du livre des Proverbes, au 24e verset. Lisons les versets 24 et 25. « Ne fréquente pas l'homme ou la femme colérique. Ne va pas avec l'homme ou la femme violente, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Où est le problème? Le voici. Lorsque vous fréquentez une personne très, très colérique, vous l'écoutez parler des autres personnes, des événements qu'elle vit et d'un tas d'autres choses. L'Écriture nous prévient de ne pas nous associer avec ce genre de personnes. Par conséquent, ne vous associez pas avec le calomniateur et évitez également les gens colériques, parce qu'éventuellement, vous serez vous-même la cible de sa colère et de son venin avant même d'en avoir pris conscience. Vous courrez de plus le risque d'apprendre à marcher dans ses voies de colère et vous finirez par devenir comme lui. Troisièmement, ne vous associez pas avec une personne déloyale et mécontente. Voyons maintenant ce que la Bible dit d'une telle personne, au 24e chapitre des Proverbes, verset 21. « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle même pas avec les hommes remuants, c'est-à-dire des personnes instables. Pourquoi? La raison nous est donnée au verset suivant, verset 22. « Car soudain, leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? » La Bible décrit ici une personne à la fois rebelle à l'autorité et instable de surcroît. Toute personne rebelle dans un aspect quelconque de sa vie vivra une certaine instabilité. Un rebelle réagit souvent impulsivement, ou il peut être au contraire très très prudent. Mais la Bible nous dit de ne pas fréquenter ce type de personne. Elle ne devrait pas appartenir à notre cercle d'amis intimes. Quatrièmement, nous ne devrions pas nous associer à un débauché. Passons au 28e chapitre des Proverbes, verset 7. « Celui qui observe la loi est un fils intelligent, c'est-à-dire une personne qui contrôle sa vie. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. » Les Écritures décrivent le genre de personne qui ne refuse rien et dont la vie est hors de contrôle. Elle manque totalement de discipline. La débauche ne fait pas seulement référence à une sexualité sans frein. Il pourrait également s'agir de gloutonnerie ou de toute autre habitude qui échappe au contrôle personnel. Cependant, il s'agit aussi d'une sexualité débridée. Nous avons tous des désirs, ceux placés dans notre cœur par Dieu, par exemple. Or, lorsqu'ils échappent à tout contrôle, ces désirs deviennent avides. La personne devient alors exclusivement motivée par ce désir. La Bible nous engage à ne pas fréquenter de telles personnes et à ne pas rechercher leur amitié. Cinquièmement, ne nous associons pas avec une personne immorale. Regardons le 29e chapitre des Proverbes, le verset 3. Un homme ou une femme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui ou celle qui fréquente des personnes immorales, ici nous avons un homme qui parle avec des prostituées, des personnes immorales dissipent son bien. On ne développe pas d'amitié avec des gens que l'on sait immoraux. On me dit parfois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et moi je vais faire ce que je veux. Ils n'arriveront pas à m'influencer. Or, considérez ceci. Chacun de nous est doté de cinq sens et d'une nature pécheresse susceptible d'être tenté et de succomber. Nous pouvons tous désobéir et lorsque nous décidons de désobéir à Dieu, nous sommes sur la mauvaise voie. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la tendance de la nature humaine? Dans quelle direction aime-t-elle se diriger? Veut-elle monter vers Dieu ou s'éloigner de lui? La nature humaine cherche toujours par tous les moyens à s'éloigner de Dieu. C'est pourquoi vous devez éviter ce genre d'amitié immorale parce qu'elles finiront par vous entraîner vers le fond. Elles vous feront perdre votre temps et gaspiller votre vie. vous n'avez qu'à consulter les 5e et 6e chapitres du livre des Proverbes. Des chapitres entiers, ou tout au moins en large partie, se concentrent sur le problème de l'immoralité. La Bible affirme, sans ambiguïté, que vous devez éviter de développer une amitié avec une personne que vous savez immorale. Même si on vous dit, « Voyons, tu t'en fais pour rien, ce n'est pas si grave, essaie juste une fois, tu pourras y aller et personne ne le saura. Ça ne te fera pas de mal. » Faux, car en réalité, voici ce qui se produira. Vous transgresserez un passage des Écritures qui vous dit de ne pas entretenir ce genre de relation. On ne bâtit pas impunément des amitiés intimes avec des personnes immorales. Sixièmement, ne nous associons pas avec un insensé. Examinons le 13e chapitre, si vous le voulez. Soyez attentifs à ce qui est écrit au verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec ou qui fréquente les insensés s'en trouve mal. L'insensé a ôté Dieu de sa vie. Il ne s'intéresse pas aux choses spirituelles. Et si vous lisez les Écritures, surtout le livre des Proverbes, vous remarquerez de très nombreux versets qui concernent l'insensé. Par exemple, « Il est arrogant et souvent extrêmement imprudent et indifférent. Vous ne voudrez pas marcher avec une telle personne, ni bâtir une amitié avec elle. Des gens insensés qui ont laissé Dieu en dehors de leur vie ne sont pas fréquentables. » Nous avons énuméré les types de personnes que nous devrions éviter lorsque nous créons des liens d'amitié. Demandons-nous à présent pourquoi nous devons éviter ce genre de personnes. La raison est simple, à cause de l'influence qu'elles pourraient exercer sur notre vie. Réfléchissons à cette question. Quelle est la cause ou les causes qui déterminent la durée d'une amitié? Pour quelle raison une relation se termine-t-elle? Vous entretenez une bonne relation avec quelqu'un, mais peu de temps après, sans savoir pourquoi, vous devenez plus distant avec cette personne. Que s'est-il passé? C'est simple. Les amitiés ne sont pas le fruit du hasard. On me dit parfois, « J'ai rencontré cette personne et nous sommes rapidement devenus de bons amis. » C'est inexact. Vous avez rencontré cette personne et vous avez développé une relation. Voyez-vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous vous sentez à l'aise avec lui à ce moment-là. C'est sans doute une question de personnalité ou d'intérêt commun. Par ailleurs, certaines personnes vous rencontreront et pourront vouloir développer une amitié avec vous. Or, quelle sera leur motivation? Une amitié réelle et sincère vous permettra de discerner la motivation de l'autre personne. Pour bâtir une relation véritable et authentique avec quelqu'un, certaines composantes de base doivent se trouver dans la vie des deux personnes. Nous allons assez rapidement énumérer ces composantes. Nous devons d'abord nous demander ce que nous désirons lorsque nous bâtissons une relation. Je crois pouvoir affirmer sans risque de me tromper que nous désirons tous des amitiés durables. Et si nous voulons qu'elles durent longtemps, nous voulons les voir s'épanouir pour devenir une relation agréable et très satisfaisante. C'est pourquoi les amitiés sont extrêmement précieuses. Considérez ceci. Peu importe ce que vous avez et depuis combien de temps vous l'avez, et peu importe qui vous êtes, si vous n'avez pas d'amis, il manque quelque chose d'essentiel à votre vie. Et vous ressentez ce vide. Vous ne désirez peut-être pas devenir l'ami de quelqu'un. Peut-être ne faites-vous pas confiance à personne. Toutefois, pendant que vous tenez tout le monde à l'écart de votre vie, vous vous enfermez de l'intérieur. Pour bâtir de bonnes amitiés, je le répète, vous devez avoir certaines composantes de base. Et la première de ces composantes, c'est le temps. C'est aussi une des plus importantes. Si vous voulez devenir l'ami de quelqu'un, ou si vous voulez développer une amitié, il faut y investir du temps. Cela veut dire que vous devez être prêt à passer du temps avec votre ami. Je dois admettre pour ma part que j'ai probablement perdu des amis pour cette simple raison. Je n'avais pas suffisamment de temps et j'ai dû leur dire. C'était peut-être vrai, peut-être pas, mais je n'ai pas pris le temps. C'était sans doute que je n'accordais pas assez de valeur à cette relation. Peut-être aurais-je dû reconsidérer mes priorités. Ou peut-être est-ce que je savais n'avoir assez de temps à ma disposition que pour quelques rares vrais amis. Une personne très occupée n'a pas le temps d'avoir beaucoup d'amis. Et puisqu'elle n'en aura pas beaucoup, de toute façon, elle ferait mieux de se concentrer sur ceux qu'elle a déjà. Car bâtir une relation nécessite du temps. Or, si vous désirez avoir un ami sincère et véritable, vous devez décider maintenant si vous êtes prêt à investir du temps dans cette relation. Vous devez vraiment vouloir passer du temps avec lui. Vous devez vouloir l'écouter. La première composante de base, le premier ingrédient est donc le temps. La deuxième est le dialogue. Lorsque votre ami vous parle ou lorsque vous parlez ensemble, le sujet de discussion importe peu, car à mesure qu'il parle, vous pouvez contempler son cœur, vous scrutez sa pensée ou ce qu'il préoccupe. Vous explorez son cœur, vous vous demandez comment il se sent. Vous examinez son âme et son esprit et en peu de temps, vous apprendrez à connaître cette personne. En général, plus vous connaissez de choses sur une personne, plus vous l'aimez. En revanche, il peut arriver que plus vous la connaissiez et moins vous l'aimiez. Parce que les personnalités diffèrent, nous avons tous nos travers et les intérêts dans la vie ne sont pas les mêmes. Parfois, il est tout simplement difficile de s'entendre avec certaines personnes. Mais nous devons tous réaliser l'importance du dialogue, car des amis véritables et sincères vont forcément se parler. La troisième composante de base, ce sont les rires et les larmes. Si vous voulez devenir l'ami véritable et sincère de quelqu'un, vous devrez apprendre à pleurer ensemble. Car il viendra des temps où vous pleurez l'un pour l'autre. Vous parlerez, vous direz comment vous vous sentez et comment vous avez été blessé. Il viendra des temps où vous devrez pleurer à chaudes larmes. Et il viendra des temps où vous rirez ensemble aux éclats. Mais si vous n'êtes pas prêt au dialogue, aux larmes et aux rires, si vous n'avez pas le goût de confier des choses à votre ami, vous n'aurez pas de véritable ami, car une véritable amitié a ses exigences. Ensuite, vous aurez ce qu'on pourrait appeler des victoires dans la vie. Ces moments exaltants, vous serez en mesure de parler avec votre ami des bonnes choses qui arrivent dans votre vie, peut-être après un temps de difficulté. Et vous lui direz, par exemple, « Laisse-moi te dire ce qui m'est arrivé. J'ai demandé au Seigneur de me diriger. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Et sais-tu ce qu'il a fait? » Ce sont là des occasions de raconter à l'autre ce que le Seigneur aura fait dans votre vie. Et vous partagerez aussi les épreuves et les tragédies de la vie, ces étapes difficiles que nous devons tous franchir. Il viendra des temps où vous désirez vous asseoir avec quelqu'un pour parler et décompresser un peu. Considérez ceci. Un véritable ami ne vous laissera pas tomber dans ce genre de situation. Si vous n'avez pas d'amis à qui parler pendant les jours difficiles, quand surviennent les difficultés, les déceptions et la douleur, ou quand vous éprouvez du chagrin, votre santé s'en ressentira. Si vous n'avez personne à qui vous confier, je puis vous dire ceci. Vous hypothéquez votre santé. Ne vous demandez pas pourquoi. Quand vous accumulez des sentiments négatifs en vous et que vous ne voulez rien laisser paraître, quand ils sont tous bloqués et coincés à l'intérieur, pensez-vous vraiment que votre santé ne sera pas affectée? Continuez comme cela et vous découvrirez qu'elle l'est. Pleurer dans ces conditions est excellent pour la santé. Il est très avantageux de pouvoir épancher son cœur, de livrer ses états d'âme et ses pensées à quelqu'un qui est prêt à nous écouter. Je crois que c'est probablement une des raisons pour lesquelles les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles pleurent plus que les hommes. Ce n'est pas toujours vrai et chaque personne est un cas particulier, mais je crois qu'en général, c'est vrai. Un homme aura tendance à penser que pleurer n'est pas viril, surtout en public. C'est le genre de préjugé qui pourrait nous faire mourir plus tôt. Il est parfois préférable de pleurer. Il n'y a rien de mal à pleurer. Et si vous dites que les vrais hommes ne pleurent jamais, alors Jésus était plutôt du genre douillet. Et si vous pensez que c'est effectivement le cas, alors relisez le récit de la crucifixion. Jésus n'a pas pleuré sur la croix, mais il a pleuré en d'autres circonstances. Il a pleuré quand il a vu le chagrin et le deuil de Marthe et Marie à cause de la mort de leur frère Lazare, qui était également son ami. Jésus a pleuré, même s'il savait qu'il était plus fort que la mort et qu'il allait le prouver avec éclat. Il n'y a rien de mal à pleurer. Il n'y a rien de mal à rire et il n'y a rien de mal à parler de nos épreuves et de nos victoires. La quatrième composante de base à l'amitié est la tolérance. Si vous avez une amitié véritable avec quelqu'un, vous serez en mesure de tolérer plus de choses de sa part. Même s'il vous a raconté la même histoire plusieurs fois, vous resterez assis à l'écouter sans rien dire. Vous le laisserez parler, raconter toute l'histoire au complet, des dizaines de fois, si c'est nécessaire. Il m'est arrivé d'écouter un ami dans ce genre de situation. Il savait que je l'avais déjà entendu, mais je suis resté assis et je me suis conduit comme si je l'entendais pour la première fois. Et quand il a eu fini de parler, nous nous sommes regardés et nous avons souri tous les deux. Ensuite, nous sommes passés à un autre sujet. Aimer, c'est parfois tolérer. Bien sûr, vous devrez peut-être tolérer des choses moins plaisantes. Vous tolérerez son attitude grognogne. Vous tolérerez parfois des choses qui vous blessent. Vous tolérerez des choses qui ne sont pas toujours convenables pour lui ou pour vous. Nous devons tous endurer nos petits travers, parce qu'en vérité, si vous recherchez l'ami parfait, vous ne le trouverez jamais. Et en plus, vous resterez seul, parce que, voyez-vous, vous ne serez jamais un ami parfait, vous non plus. Un ami parfait, ça n'existe pas. Exception faite de Dieu, bien sûr. Toutes ces composantes de base sont donc très importantes. La cinquième composante est la transparence. Beaucoup de gens ne se rendent pas jusque-là. Ils n'ont pas de problème avec le dialogue, le rire et les larmes, mais ils ne joueront pas la carte de la transparence. Ils pensent que la transparence signifie qu'ils doivent tout dire. Or, ce n'est pas vraiment cela. Je suis transparent quand je suis prêt à ouvrir mon cœur. Je suis transparent lorsque, si je vis une blessure, je suis prêt à le dire. Je suis transparent lorsque je dis que je suis en colère, que je me sens incompris, rejeté ou joyeux. Je me sens à l'aise pour confier ce qui me motive vraiment et ce qui me passionne à propos de la situation présente. Sans transparence, on ne peut pas avoir de véritable amitié. On peut avoir une relation proche, mais une amitié véritable et sincère exige la transparence. Nous savons déjà que les personnes parfaites n'existent pas sur cette terre. Nous avons tous nos petits travers, et nous ne voulons pas que tout le monde les connaisse. Parfois, nous aimerions pourtant que quelqu'un les connaisse. Supposez que votre ami vous aborde et vous dise « Je n'ai pas aimé ce que tu as dit tout à l'heure. » Si son objection s'avère bien fondée, que diriez-vous, au lieu de chercher à vous justifier, d'admettre simplement et humblement « Tu as raison, j'ai fait une erreur et j'ai cette mauvaise habitude. Et j'apprécierais que tu me le rappelles encore si je répète ce geste. » La transparence confère une authentique validité à une amitié véritable et sincère. Et bien sûr, il y a la fidélité. C'est la sixième composante. Deux amis doivent faire preuve d'honnêteté l'un envers l'autre. On ne peut pas bâtir d'amitié solide sans fidélité. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez dire ou faire quelque chose en pensant que c'est la bonne chose. C'est différent. Quand cela se produit, vous pouvez toujours admettre votre erreur, dire qu'il y a eu un malentendu et que votre pensée n'était pas exacte. Mais on ne peut se faire des amis et les conserver en étant complètement malhonnête et en cherchant à les manipuler délibérément. La fidélité et l'honnêteté sont des composantes de base absolument essentielles en amitié, même si cela signifie parfois que vous devez reconnaître avoir mal agi et que vous êtes désolé. L'honnêteté n'est pas une option. Il arrive qu'un ami ne sache même pas qu'il n'est pas honnête envers lui-même. Il est parfois difficile de dire la vérité. Nous sommes tous passés par là. J'ai connu des périodes où je suis certain de ne pas avoir voulu faire face à quelque chose de déplaisant en moi, et je suis tombé dans une période de dénégation. Pendant que je niais quelque chose sur moi-même, je croyais être honnête, mais je ne l'étais pas vraiment. Et c'est à ce moment qu'un ami pouvait me faire face et me dire que je n'étais pas franc avec moi-même. Ce n'est pas très plaisant à entendre, il faut bien l'avouer. Mais je devais quand même prendre la décision d'être transparent ou non. J'ai décidé de faire confiance à un tel ami en lui disant « Tu vois probablement quelque chose en moi que je suis incapable de voir et j'ai besoin d'aide. » Si nous pouvions résumer toutes ces composantes en un seul mot, quel serait-il? L'amour. Lorsque vous parcourez cette liste sur les composantes de l'amitié, elle s'additionne. La somme est plus grande que ses composantes, car elle se résume en une phrase « Je t'aime ». Je ne sais pas où vous en êtes au chapitre de vos amitiés, mais je puis vous dire ceci. Ce message peut vraiment faire une différence dans votre vie. Si l'amitié est une notion importante pour vous et que vous êtes disposé à renoncer à vous-même pour donner tout ce que vous avez, vous bâtirez des amitiés et des relations durables que vous garderez précieusement jusqu'au jour de votre mort. Nous faisons parfois preuve d'un manque de discernement affligeant dans le choix de nos amis. Il est important de bien se rappeler cet enseignement de Charles Stanley, car nos amis exercent une influence profonde et manifeste sur notre vie. Et lorsque nous entrons volontairement en relation avec quelqu'un et que nous développons une amitié avec lui, nous nous laissons toujours influencer jusqu'à un certain point et nous finissons par lui ressembler un peu. Nos amis nous influencent certainement d'une façon ou d'une autre. Il est donc très important de les choisir judicieusement, car ils ont cette capacité de nous édifier ou de nous démolir. Évaluez vos relations. Vous rapprochent-elles ou au contraire vous éloignent-elles du Seigneur? Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.